Ok, la crime, Kenny Arcana, en guerre, contre l'État. Du sud au nord, même galère, fête de mal-être, de peine, les mêmes frères descendent comme des canettes de bière, les mêmes scènes se répandent face aux barrières de pierre, les mêmes juges qui t'allument même pour une barrette de mer, comme un baptême de l'air. C'est triste, le système épuise, on s'est détruit et nos petits frères s'étruisent, déprime dans les cœurs tristes. Ça pas la colère de Cali, car ici la police calibre, agit de leurs crimes, partout la même, de Marseille à Paris, de ta banlieue à ta cité province, au quartier de ma ville, ça expulse des familles, fonds de pension CRS, ça collectionne les logements vides, et chaque hiver, ça rêve dehors, mon frère, à leurs yeux, nos vies valent pas cher. Quand ils pressent des gâchettes, c'est plus que des carchères. On garde dans les yeux la triste réalité, la crise. Et dans nos cœurs demeure dans un sale état, demande à la crime. Notre volonté de par notre âge est imbattable. On vit dans nos quartiers comme sur un champ de bataille. Debout, même affaibli, jamais vaincu, on a la dalle. Allez leur dire, on respire la même de Marseille à Paname. Notre volonté de par notre âge est imbattable. On vit dans nos quartiers comme sur un champ de bataille. Debout, même affaibli, jamais vaincu, on a la dalle. Allez leur dire, on respire la même de Marseille à Paname. Et ouais Kenny, ils disent que le monde est libre. L'État tisse la haine comme les messages que l'on délivre. Tu crois que c'est un délire de voir ta mère avec une larme quand elle apprend son fils en dans les banques avec une arme. Fidèle à mes valeurs jusqu'à la mise en terre. Niquer le système, garder sous, voilà ma raison d'être. Quand l'État me fait la morale, je fais une crise d'anatomie. À l'Élysée, tout le monde baisse comme dans Grèce d'anatomie. Alors je vous trompe avec un barbare écrit police. Des fois je me demande si la vie serait pas plus belle à Tripoli. Et c'est partout la même, le mental est implacable. Les bâtards veulent nous abattre avec des salles et des placards. Donc je pose mon arme et vous lâche de méchanterie. Mais puis j'assume quand je dis aux petits d'aller casser des bijouteries. On vit le même calvaire de Marseille à Paname. C'est sur le cœur qu'on va s'entasser les palavres. Notre volonté de par notre âge est imbattable. On vit dans nos quartiers comme sur un champ de bataille. Debout, même affaibli, jamais vaincu, on a la dalle. Allez leur dire, on respire la même de Marseille à Paname. Notre volonté de par notre âge est imbattable. On vit dans nos quartiers comme sur un champ de bataille. Debout, même affaibli, jamais vaincu, on a la dalle. Allez leur dire, on respire la même de Marseille à Paname. Notre volonté de par notre âge est imbattable. On vit dans nos quartiers comme sur un champ de bataille. Debout, même affaibli, jamais vaincu, on a la dalle. Allez leur dire, on respire la même de Marseille à Paname. Notre volonté de par notre âge est imbattable. On vit dans nos quartiers comme sur un champ de bataille. Debout, même affaibli, jamais vaincu, on a la dalle. Allez leur dire, on respire la même de Marseille à Paname. Dans nos quartiers comme sur un champ de bataille. Croisés du doigt par leur système de bâtard. La crime, Arcana Kenny. La même de Marseille à Paname. On est ensemble.